Vous téléphonez souvent à votre mère? Oui, je lui téléphone souvent. Vous parlez à votre professeur en français? Oui, je lui parle en français. Vous écrivez régulièrement à vos amis? Oui, je leur écris régulièrement. Vous répondez rapidement à vos clients? Oui, je leur réponds rapidement. Vous dictez des lettres à votre secrétaire? Oui, je lui dicte des lettres. Vous racontez des histoires à vos enfants? Oui, je leur raconte des histoires. Vous dites bonjour à votre voisine? Oui, je lui dis bonjour. Vous donnez des vitamines à votre chien? Oui, je lui donne des vitamines. Vous prêtez votre vélo à votre fille? Oui, je lui prête mon vélo.